TV présente le retour des héros. Ils avaient disparu depuis des mois, depuis la terrible attaque des rats. Mila et les deux plus grands creuseurs de tous les temps, Squeak et Booze. Mais où étaient-ils? Dans le nouveau monde. Le nouveau monde existe, j'y suis allé pour me battre. C'est grand et il y a un vache de grand plafond. Les héros sont de retour après avoir vécu la plus grande des aventures dans toute l'histoire des Bife Wish. Et Wish City les accueille à bras ouverts. Ouais! Bienvenue chez vous! Bienvenue là! Les temps vont changer et Wish City aura de nouveau un grand dirigeant. En tant que grand intendant du gouvernement Bife Wish et après avoir assuré par intérim la présidence du conseil, je peux déclarer que Mila succédera à son père au poste de grand dirigeant. Pour la première fois depuis la création de Wish City, une Bife Wish sera grande dirigeante. Pour fêter le retour au pays de nos plus grands héros, le gouvernement organise une grande fête ce soir dans le centre de Wish City. En partenariat avec Wish TV et Wish Tech Industries. Wish TV. Wish TV. Wish City, le bar de Spoon. Hey, Spoon! Spoon! Friedrich, t'es de retour? Pardon, Général Friedrich. Allez, assieds-toi au comptoir, c'est ma tournée. Et une bière de roche, une pour le Général Friedrich. Ah la vache! Même si je suis Général, j'arrive pas à me faire à la haute. Après des années en tant que creuseur, tu es trop habitué aux endroits crassou. Crassou? Aux endroits crassou, mon bar est crassou! Oh, la finale du championnat de la Ligue de Squeeball! Trop bien! Bar est pas de crassou, Général de Médoé! Hey, Spoon, t'es à la fête ce soir? Tu viens à la fête, hein, dis? Ouais, d'autant plus que Booze me doit une sacrée ardoise. Et ils vont avoir des choses à nous raconter. Pourquoi ils rentrent pas maintenant? Il y a le service médical qui est monté dans le Nouveau Monde les rejoindre. Il paraît qu'il est nécessaire de faire des tests au cas où ils ramèneraient de nouveaux microbes. Elles m'ont quand même bien manqué, ces raclures de taupe. Et dire qu'ils ont passé autant de temps avec Mila, la plus belle gnome de tout Wish City. Pas moi, Spoon. Finalement, je les envie pas tant que ça. Que j'ai vu là-haut. Oh, Friedrich, tu pleures? Non, juste une poussière dans l'œil. Spoon? Ouais? Il y a plein de choses qui vont changer encore ici. Les Bife Wish ne sont plus seuls. Plein de choses vont changer. Et Al, près de l'entrée du tunnel. Ça va, Booze? Ouais, je supporte pas trop leur saloperie de piqûre. Ça me lance encore dans le bras. Nous étions assis sur un rocher, non loin de l'entrée du tunnel. Tous les soldats de Wish City rentraient au pays, en ligne, bien ordonnés. Sous les au revoir des halls reconnaissants. À quelques pas de là, Mila discutait avec deux médecins. Nous ne pouvions pas prendre le risque d'amener de nouvelles maladies sous terre. Et Booze portait toujours en lui la maladie des rats. Mademoiselle Mila, nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Vous voulez dire qu'il n'y a aucun remède? Comme nous l'a expliqué la... La chose qui vole là et qui est noire. Bender, la chauve-souris. Oui, c'est ça. C'est assez drôle en fait. Comme nous l'a expliqué la chauve-souris. Le corps de Booze ne peut pas souffrir de cette maladie. Elle ne se développe plus. Il ne sent rien, pas de faiblesse, pas de douleur. En gros, lui, il se porte bien. C'est drôle ça en gros, vu qu'il est gros. Venez-en au fait. Disons qu'en milieu... Aéré? Oui, aéré, il n'y a aucun risque de contagion. Mais en milieu clos, comme dans les cavernes... Comme à Wish City, s'il éternue une seule fois, s'il se coupe... La maladie reprendra de son agressivité en milieu clos. Votre ami devient contagieux. Donc, dangereux. Nous ne sommes pas en mesure d'éradiquer cette maladie. Ce qui veut dire que... Oui, mademoiselle Villa. Nous sommes... Désolé. Booze ne reviendra jamais à Wish City. On va rentrer chez nous, Booze. Après tant de temps, on va rentrer chez nous. Squeak. On va pouvoir boire une bière de roche en regardant un bon match de Squeakball se reposer enfin. Squeak. Tu le sais, non? Booze m'a pris la main. On a la technologie, non? On devrait trouver un moyen de te soigner. La technologie a, elle aussi, ses limites. Le principal, c'est que je n'en souffre pas, non? Comme si on te bannissait. Oui, peut-être. Quoi qu'il advienne, quand vous reboucherez le trou, je serai de l'autre côté. Pas à tes côtés. Bah, friche.